Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 40. Du genre de vie adopté par le Christ. Notre Seigneur a dû vivre de la vie sociale, être pauvre plutôt que riche, et observer la loi mosaïque. 1. Convenait-il que le Christ vécut et conversa avec les hommes? Le Christ a dû mettre sa vie en harmonie avec la fin de son incarnation. Il venait, en premier lieu, nous apporter le flambeau de la vérité, car il disait lui-même, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, 37. Il fallait évidemment, pour ce but, qu'il vécût dans la société des hommes et qu'il conversât avec eux. Il venait, en second lieu, nous délivrer du péché, l'apôtre le déclare clairement, le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Il aurait pu sans doute forcer tous les hommes de venir à lui, mais il a mieux aimé nous enseigner, par son exemple, à rechercher nous-mêmes celui qui est en péril, comme le pasteur, la brebis égarée. Il venait, enfin, nous procurer un facile accès auprès de Dieu, et, pour cela, il fallait que, conversant familièrement avec les hommes, il leur inspirât la confiance qui porte à s'approcher de Dieu. Aussi lisons-nous dans l'Évangile que, Jésus étant à table dans une maison, il y vint beaucoup de publicains et de pécheurs qui mangèrent avec lui et avec ses disciples. Matthieu 9, 10. En voyant, a dit saint Jérôme, qu'un publicain, converti, avait obtenu le pardon, les pécheurs ne désespéraient plus de leur salut. Il convenait, on le voit, que notre Seigneur vécut de la vie sociale et conversa avec les hommes. Note. Néanmoins, il s'est retiré parfois dans la solitude, tantôt pour s'y livrer à un repos nécessaire, et c'est ainsi qu'il disait à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu solitaire, et reposez-vous un peu. » Marc 6, 31. Tantôt pour prier, il arriva, dit l'Évangile, que Jésus alla sur la montagne pour prier, et il passa la nuit à s'entretenir avec Dieu, Luc 6, 12, tantôt, enfin, pour nous apprendre à fuir les louanges humaines, à ne rien faire par ostentation, et à nous séparer de la foule quand il s'agit surtout de délibérer sur des affaires importantes. De là cette parole, Jésus, voyant la foule, se retira sur la montagne. Matthieu 5, 1. Fin de la note. 2. Notre Seigneur devait-il mener une vie austère? Il est écrit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Matthieu 11, 19. Le but de l'incarnation, disions-nous, exigeait que notre Seigneur vécût de la vie sociale et non de la vie solitaire. Or il convient que celui qui habite avec quelques personnes adopte leur genre de vie. L'apôtre le déclare lui-même, en disant, « Je me suis fait tout à tous. » 1 Corinthiens 9, 22. Il était conséquemment très à propos qu'à l'égard du boire et du manger, le divin sauveur suivit la vie commune et ordinaire. Note. On peut se dérober à la société par esprit de mortification, comme aussi on y peut rester afin d'y vivre de la vie commune. Notre Seigneur a donné l'exemple de ces deux genres de vie, mais, abandonnant à Jean-Baptiste l'éclat du jeûne et de l'abstinence, il s'est assis à la table des publicains, bien qu'il ait pratiqué le jeûne dans le désert, afin de nous apprendre à fuir la sensualité. Il a jeûné, disait Bède, pour que vous sachiez respecter le précepte du jeûne, Il a mangé avec les pécheurs, afin qu'à la vue des effets de sa grâce, vous reconnaissiez son pouvoir. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il dû mener une vie pauvre? Il a dit, en parlant de lui-même, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Matthieu 8, 20. Il devait, pour plusieurs raisons, mener une vie pauvre en ce monde. Le ministère de la prédication, qu'il venait remplir, exigeait qu'il fût complètement délivré de l'administration des biens temporels. Par sa pauvreté corporelle, il nous a enrichis de ses biens spirituels, selon cette parole de saint Paul, « Vous savez la grâce que vous a faite notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour vous, afin que vous deveniez riche de son indigence même. » 2 Corinthiens 8, 9. S'il eût possédé des richesses, on eût peut-être attribué sa prédication à la cupidité, il ne voulait pas que l'on dit qu'il prêchait pour son intérêt personnel. Sa pauvreté servait à mieux faire éclater sa divine vertu. Le Christ, disait au concile d'Éphèse Théodore d'Ancyre, a choisi ce qui est le plus pauvre, le plus abject, le plus humble et le plus obscur aux yeux des hommes, pour que l'on vit avec évidence que sa vertu divine transformait l'univers. Voilà pourquoi il voulut avoir une mère pauvre, une patrie pauvre, une existence pauvre, c'est ce que la crèche nous apprend. 4. Le Christ a-t-il vécu selon la loi? Sur ces paroles que notre Seigneur lui-même disait aux Juifs, « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes » Matthieu 5, 17. Saint Chrysostome reprend, il a accompli la loi en ne la transgressant point, puis en justifiant les hommes par la foi, ce que ne pouvait faire la lettre de la loi. Il s'assujettit à toute la loi mosaïque, aussi voulut-il recevoir la circoncision, par laquelle on prenait l'engagement solennel de la remplir. Il avait pour dessein d'approuver cette loi, de montrer qu'il en était le but, d'enlever aux Juifs tout prétexte de le calomnier, et de délivrer les hommes de la servitude de la loi elle-même, selon cette parole de l'apôtre. Dieu envoya son Fils soumis à la loi, pour délivrer ceux qui vivaient sous l'empire de la loi. Galates 4, 4. Note. En ce qui est du sabbat, il montra, par une triple raison, qu'il ne l'avait point violé, le précepte qui le concernait n'interdisait ni les œuvres divines, Jean 5, 17, ni les œuvres nécessaires au salut spirituel ou corporel, Luc 13, 15, ni celles du culte divin, Matthieu 12, 5. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.